Chapitre 7e, l'alcôve de la reine. Le lendemain, ou plutôt le matin même, car notre dernier chapitre a dû se fermer vers les 2 heures de la nuit, le matin même, disons-nous, le roi Louis XVI, en petit habit violet du matin, sans ordre et sans poudre, et tel qu'il venait de sortir de son lit enfin, heurta aux portes de l'antichambre de la reine. Une femme de service entrebâilla cette porte, et reconnaissant le roi, « Sire, » dit-elle, « la reine !» demanda Louis XVI d'un ton bref. « Sa Majesté dort, sire. » Le roi fit un geste comme pour éloigner la femme, mais celle-ci ne bougea point. « Eh bien, dit le roi, vous bougerez-vous? Voyez bien que je veux passer. » Le roi avait par moments une promptitude de mouvement que ses ennemis appelaient de la brutalité. « La reine repose, sire, » objecta timidement la femme de service. « Je vous ai dit de me livrer le passage, » répliqua le roi. En effet, à ces mots, il écarta la femme et passa outre. Arrivé à la porte même de la chambre à coucher, le roi vit Madame de Misery, première femme de chambre de la reine, qui lisait la messe dans son livre d'heures. Cette dame se leva dès qu'elle aperçut le roi. « Sire, » dit-elle à voix basse et avec un profond salut, « Sa Majesté n'a pas encore appelé. »« Ah, vraiment ?» fit le roi d'un air railleur. « Mais sire, il n'est guère que 6h30, je crois, et jamais Sa Majesté ne sonne avant 7h. »« Et vous êtes sûr que la reine est dans son lit? Vous êtes sûr qu'elle dort ?» « Je n'affirmerai pas, sire, que Sa Majesté dort, mais je suis sûr qu'elle est dans son lit. Elle y est ?»« Oui, sire. » Le roi n'y put tenir plus longtemps. Il marcha droit à la porte, tourna le bouton doré avec une précipitation bruyante et entra. La chambre de la reine était obscure comme en pleine nuit. Volets, rideaux et stores, hermétiquement fermés, y maintenaient les plus épaisses ténèbres. Une veilleuse, brûlant sur un guéridon dans l'angle le plus éloigné de l'appartement, laissait l'alcôve de la reine entièrement baignée dans l'ombre, et les immenses rideaux de soie blanche à fleurs de lys d'or pendaient à plis ondoyants sur le lit en désordre. Le roi marcha d'un pas rapide vers le lit. « Oh, Madame de Misery, » s'écria la reine, « que vous êtes bruyante, voilà que vous m'avez réveillée. » Le roi s'arrêta, stupéfait. « Ce n'est point Madame de Misery, » murmura-t-il. « Tiens, c'est vous, sire, » ajouta Marie-Antoinette en se soulevant. « Bonjour, madame. » articula le roi d'un ton aigre-doux. « Quel bon vent vous amène, sire ?» demanda la reine. « Madame de Misery, ouvrez donc les fenêtres !» Les femmes entrèrent, et selon l'habitude que leur avait fait prendre la reine, elles ouvrirent à l'instant portes et fenêtres pour donner passage à l'invasion d'air pur que Marie-Antoinette respirait avec délice en s'éveillant. « Vous dormez de bon appétit, madame, » dit le roi en s'asseyant près du lit après avoir promené son regard investigateur. « Oui, sire, j'ai lu tard, et par conséquent, si votre majesté n'eût me point réveillé, je dormirai encore. »« D'où vient hier que vous n'avez pas reçu, madame ?»« Reçu. Qui ? Votre frère ? Monsieur de Provence ?» fit la reine avec une présence d'esprit qui allait au-devant des soupçons du roi. « Justement, oui, mon frère. Il a voulu vous saluer, et on l'a laissé dehors. Eh bien ?»« En lui disant que vous étiez absente. » »« Lui a-t-on dit cela ?» demanda négligemment la reine. « Madame de Misery, Madame de Misery !» La première femme de chambre parut à la porte, tenant sur un plateau d'or une quantité de lettres adressées à la reine. « Sa Majesté m'appelle ?» demanda Madame de Misery. « Oui, est-ce qu'on a dit hier à Monsieur de Provence que j'étais absente du château ?» Madame de Misery, pour ne pas passer devant le roi, tourna autour de lui et tendit le plateau de lettres à la reine. Elle tenait sous son doigt une de ces lettres dont la reine reconnut l'écriture. « Répondez au roi, Madame de Misery, » continua Marie-Antoinette avec la même négligence. « Dites à Sa Majesté ce que l'on a répondu hier à Monsieur de Provence lorsqu'il s'est présenté à ma porte. Quant à moi, je ne me le rappelle plus. »« Sire, » dit Madame de Misery, tandis que la reine décachetait la lettre, « Monseigneur le comte de Provence s'est présenté hier pour offrir ses respects à Sa Majesté, et je lui ai répondu que Sa Majesté ne recevait pas. Et par quel ordre ? Par ordre de la reine. »« Ah ! » fit le roi. Pendant ce temps, la reine avait décacheté la lettre et lu ces deux lignes. « Vous êtes revenu hier de Paris et rentré au château à 8h du soir. Laurent vous a vu. » Puis, toujours avec le même air de nonchalance, la reine avait décacheté une demi-douzaine de billets, de lettres et de placets qui gisaient épars sur un étendon. « Eh bien » fit-elle en relevant la tête vers le roi. « Merci, madame, » dit celui-ci à la première femme de chambre. Madame de Misery s'éloigna. « Pardon, sire, » dit la reine, « éclairez-moi sur un point. « Lequel, madame ? Est-ce que je suis ?» « Ou ne suis plus libre de voir Monsieur de Provence ?»« Oh, parfaitement libre, madame, mais... »« Mais son esprit me fatigue, que voulez-vous »« D'ailleurs, il ne m'aime pas. Il est vrai que je le lui rends bien. J'attendais sa mauvaise visite et me suis mis au lit à 8 heures afin de ne pas recevoir cette visite. Qu'avez-vous donc, sire ? Rien, rien. On dirait que vous écoutez. Mais quoi ? Mais je vous croyais hier à Paris. À quelle heure ? À l'heure à laquelle vous prétendez que vous êtes couché. Sans doute, j'y suis allé à Paris, eh bien. Est-ce qu'on ne revient pas de Paris ? Si fait, le tout dépend de l'heure à laquelle on en revient. Ah, vous voulez savoir l'heure juste à laquelle je suis revenu de Paris, alors ? Mais oui, rien de plus facile, sire. La reine appela. Madame de Misery. La femme de chambre parut. Quelle heure était-il quand je revins de Paris hier, Madame de Misery ? Demanda la reine. À peu près 8 heures, votre majesté. Je ne crois pas, dit le roi. Vous devez vous tromper, Madame de Misery. Informez-vous. La femme de chambre, droite et impassible, se tourna vers la porte. « Madame Duval, » dit-elle. « Madame, » répliqua une voix, « à quelle heure Sa Majesté est-elle rentrée de Paris hier soir ?»« Il pouvait être 8 heures, madame, » répliqua la deuxième femme de chambre. « Vous devez vous tromper, Madame Duval, » dit Madame de Misery. Madame Duval se pencha vers la fenêtre de l'antichambre et cria « Laurent !»« Qu'est-ce que Laurent ?» demanda le roi. « C'est le concierge de la porte par laquelle Sa Majesté est rentrée hier, » dit Madame de Misery. « Laurent, » cria Madame Duval, « à quelle heure Sa Majesté la Reine est-elle rentrée hier ?»« Vers 8 heures, » répliqua le concierge du bas de la terrasse. Le roi baissa la tête. Madame de Misery congédia Madame Duval, qui congédia Laurent. Les deux époux demeurèrent seuls. Louis XVI était honteux et faisait tous ses efforts pour dissimuler cette honte. Mais la Reine, au lieu de triompher de la victoire qu'elle venait de remporter, lui dit froidement, « Eh bien, sire, voyons, que désirez-vous savoir encore ?»« Oh, rien !» s'écria le roi en pressant les mains de sa femme, à rien. Cependant, pardonnez-moi, madame, je ne sais trop ce qui m'était passé par la tête. Voyez ma joie, elle est aussi grande que mon repentir. Vous ne m'en voulez point, n'est-ce pas ? Ne boudez plus, foi de gentilhomme, j'en serai au désespoir. La reine retira sa main de celle du roi. Eh bien, que faites-vous, madame ? Demanda Louis. Sire, répondit Marie-Antoinette, une reine de France ne ment pas. Eh bien ? Demanda le roi étonné. « Eh bien, sire, moi, je viens de mentir. Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire que je ne suis pas rentré hier à 8 heures du soir. » Le roi recula, surpris. « Je veux dire, » continua la reine avec le même sang-froid, « que je suis rentré ce matin à 6 heures seulement. »« Madame ?»« Et que sans monsieur le comte d'Artois, qui m'a offert un asile et logé par pitié dans une maison à lui, je restais à la porte comme une mendiante. »« Ah, vous n'étiez donc pas rentré, » dit le roi d'un air sombre. « Alors j'avais donc raison. » « Sire, vous tirez, je vous en demande pardon, de ce que je viens de dire, une solution d'arithméticien, mais non une conclusion de galant homme. »« En quoi, madame ?»« En ceci, que pour vous assurer si je rentrais tôt ou tard, vous n'aviez besoin ni de fermer votre porte, ni de donner vos consignes, mais seulement de venir me trouver et de me demander. À quelle heure êtes-vous rentrée, madame ?»« Oh !» fit le roi. « Il ne vous est plus permis de douter, monsieur. Vos espions avaient été trompés ou gagnés, vos portes forcées ouvertes, votre appréhension combattue, vos soupçons dissipés. Je vous voyais honteux d'avoir usé de violence envers une femme dans son droit. Je pouvais continuer à jouir de ma victoire, mais je trouve vos procédés honteux pour un roi, malséant pour un gentilhomme, et je ne veux pas me refuser la satisfaction de vous le dire. » Le roi épousta son jabot en homme qui médite une réplique. « Oh, vous avez beau faire, monsieur, » dit la reine en secouant la tête, « vous n'arriverez pas à excuser votre conduite envers moi. » « Au contraire, madame, j'y arriverai facilement, » répondit le roi. « Est-ce que, dans le château, par exemple, une seule personne se doutait que vous ne fussiez pas rentré ? Eh bien, si chacun vous savait rentrer, personne n'a pu prendre pour vous ma consigne de la fermeture des portes. Qu'on l'ait attribuée aux dissipations de monsieur le comte d'Artois ou de tout autre, vous comprenez bien que je ne m'en inquiète pas. » « Après, sire, » interrompit la reine. « Eh bien, je me résume et je dis... » « Si j'ai sauvé envers vous les apparences, madame, j'ai raison, et je vous dis, vous avez tort, vous, qui n'en avez pas fait autant envers moi. Et si j'ai voulu tout simplement vous donner une secrète leçon, si la leçon vous profite, ce que je crois, d'après l'irritation que vous me témoignez, eh bien j'ai raison encore, et je ne reviens sur rien de ce que j'ai fait. » La reine avait écouté la réponse de son auguste époux en se calmant peu à peu. Non qu'elle fût moins irritée, mais elle voulait garder toutes ses forces pour la lutte qui, dans son opinion, au lieu d'être terminée, commençait à peine. « Fort bien, » dit-elle. « Ainsi, vous ne vous excusez pas d'avoir fait languir à la porte de sa demeure, comme vous eussiez pu le faire de la première venue, la fille de Marie-Thérèse, votre femme, la mère de vos enfants. Non. C'est à votre avis une plaisanterie toute royale, pleine de sellatique, dont la moralité d'ailleurs double la valeur. Ainsi, à vos yeux, ce n'est rien qu'une chose toute naturelle que d'avoir forcé la reine de France à passer la nuit dans la petite maison où le comte d'Artois reçoit les demoiselles de l'opéra et les femmes galantes de votre cour. Ah, ce n'est rien, non. Un roi plane au-dessus de toutes ces misères, un roi philosophe surtout. Et vous êtes philosophe, vous, sire. Notez bien qu'en ceci, M. d'Artois a joué le beau rôle. Notez qu'il m'a rendu un service signalé. Notez que, pour cette fois, je vais remercier le ciel que mon beau-frère fut un homme dissipé, puisque sa dissipation a servi de manteau à ma honte, puisque ses vices ont sauvegardé mon honneur. Le roi rougit et se remua bruyamment sur son fauteuil. « Oh !» dit la reine. « Je sais bien que vous êtes un roi moral, sire. Mais avez-vous songé à quel résultat votre morale arrive ? Nul n'a su que je n'étais pas rentré, dites-vous, et vous-même m'avez cru ici. Direz-vous que M. de Provence, votre instigateur, l'a cru, lui ? Direz-vous que M. d'Artois l'a cru ? Direz-vous que mes femmes, qui par mon ordre vous ont menti ce matin, l'ont cru ? Direz-vous que Laurent, acheté par M. le comte d'Artois et moi, l'a cru ? Allez, le roi a toujours raison. Mais parfois la reine peut avoir raison aussi. Prenons cette habitude, voulez-vous, sire ? Vous de m'envoyer espions et gardes suisses, moi d'acheter vos Suisses et vos espions, et je vous le dis, avant un mois, car vous me connaissez, vous savez que je ne me contiendrai pas, eh bien, avant un mois, la majesté du trône et la dignité du mariage, nous additionnerons tout cela ensemble un matin, comme aujourd'hui, par exemple, et nous verrons ce que cela nous coûtera, à tous deux. » Il était évident que ces paroles avaient fait un grand effet sur celui à qui elles étaient adressées. « Vous savez, dit le roi d'une voix altérée, vous savez que je suis sincère et que j'avoue toujours mes torts. Voulez-vous me prouver, madame, que vous avez raison de partir de Versailles en traîneau avec des gentilshommes à vous, folle troupe qui vous compromet dans les graves circonstances où nous vivons ? Voulez-vous me prouver que vous avez raison de disparaître avec eux dans Paris comme des masques dans un bal ? Et de ne plus reparaître que dans la nuit, scandaleusement tard, tandis que ma lampe s'est épuisée au travail et que tout le monde dort. Vous avez parlé de la dignité du mariage, de la majesté du trône et de votre qualité de mère. Est-ce d'une épouse, est-ce d'une reine, est-ce d'une mère, ce que vous avez fait là ? Je vais vous répondre en deux mots, monsieur. Et vous le dirai-je d'avance, je vais répondre encore plus dédaigneusement que je n'ai fait jusqu'à présent, car il me semble, en vérité, que certaines parties de votre accusation ne méritent que mon dédain. J'ai quitté Versailles en traîneau pour arriver plus vite à Paris. Je suis sorti avec mademoiselle de Tavernet, dont, Dieu merci, la réputation est une des plus pures de la cour, et je suis allé à Paris vérifier de moi-même que le roi de France, ce père de la grande famille, ce roi philosophe, ce soutien moral de toutes les consciences, lui qui a nourri les pauvres étrangers, réchauffé les mendiants et mérité l'amour du peuple par sa bienfaisance, j'ai voulu vérifier, dis-je, que le roi laissait mourir de faim, croupir dans l'oubli, exposé à toutes les attaques du vice et de la misère, quelqu'un de sa famille en tant que roi. Un des descendants, enfin, d'un des rois qui ont gouverné la France. « Moi ?» fit le roi surpris. « J'ai monté, continua la reine, dans une espèce de grenier, et j'ai vu, sans feu, sans lumière, sans argent, la petite fille d'un grand prince. J'ai donné 100 louis à cette victime de l'oubli, de la négligence royale, et comme je m'étais attardé, en réfléchissant sur le néant de nos grandeurs, car moi aussi je suis parfois philosophe, comme la gelée était rude, et que par la gelée les chevaux marchent mal, et surtout les chevaux de fiacre. « Les chevaux de fiacre ? » s'écria le roi. « Vous êtes revenu en fiacre ?»« Oui, sire, dans le numéro 107. »« Oh !» murmura le roi en balançant sa jambe droite croisée sur la gauche, ce qui était chez lui le symptôme d'une vive impatience. « En fiacre !» « Oui, et trop heureuse encore d'avoir trouvé ce fiacre, » répliqua la reine. « Madame, » interrompit le roi, « vous avez bien agi. Vous avez toujours de nobles aspirations, écloses trop légèrement peut-être. Mais la faute en est à cette chaleur de générosité qui vous distingue. « Merci, sire, » répondit la reine d'un ton railleur. « Songez bien, » continua le roi, « que je ne vous ai soupçonné de rien qui ne fût parfaitement droit et honnête. La démarche seule... » et l'aventureuse allure de la reine m'ont déplu. Vous avez fait le bien comme toujours, mais en faisant le bien aux autres, vous avez trouvé le moyen de vous faire du mal à vous. Voilà ce que je vous reproche. Maintenant, j'ai réparé quelque oubli. J'ai veillé au sort d'une famille de rois. Je suis prêt. Dénoncez-moi ces infortunes, et mes bienfaits ne se font pas attendre. Le nom de Valois, sire, est assez illustre, je pense, pour que vous l'ayez à présent à la mémoire. Ah ! S'écria Louis XVI avec un bruyant éclat de rire. Je sais maintenant ce qui vous occupe. La petite Valois, n'est-ce pas, une comtesse de... Attendez donc, de La Motte. Précisément, de La Motte. Son mari est gendarme ? Oui, sire. Et la femme est une intrigante. Oh, ne vous fâchez pas. Elle remue ciel et terre, elle accable les ministres, elle harcèle mes tantes, elle m'écrase moi-même de suppliques, de placets, de preuves généalogiques. Eh, sire, cela prouve qu'elle a jusqu'ici réclamé inutilement. Voilà tout. Je ne dis pas non. Est-elle ou non Valois ? Oh, je crois qu'elle l'est. Eh bien, une pension. Une pension honorable pour elle, un régiment pour son mari, un état enfin pour des rejetons de souche royale. Oh, doucement, doucement, madame. Diable, comme vous y allez ? La petite Valois m'arrachera toujours bien assez de plumes, sans que vous mettiez à l'aider. Elle a bon bec, la petite Valois, allez. Oh, je ne crains pas pour vous, sire, vos plumes tiennent fort. Une pension honorable, Dieu merci, comme vous y allez, madame. Savez-vous quelle saignée terrible cet hiver a fait à ma cassette ? Un régiment à ce petit gendarme qui a fait la spéculation d'épouser une Valois ? Eh, je n'en ai plus de régiment à donner, madame, même à ceux qui les payent et qui les méritent. Un état digne des rois dont ils descendent, à ces mendiants, allons donc. Quand nous autres rois, nous n'avons plus même un état digne des riches particuliers. Monsieur le duc d'Orléans envoie ses chevaux et ses meutes en Angleterre pour les faire vendre et supprimer les deux tiers de sa maison. J'ai supprimé ma louveterie, moi. Monsieur de Saint-Germain m'a fait réformer ma maison militaire. Nous vivons de privations, tous, grands et petits, ma chère. Mais cependant, sire, les Valois ne peuvent mourir de faim. Ne m'avez-vous pas dit que vous aviez donné 100 louis ? La belle aumône, c'est royal. Donnez-en autant alors. Je m'en garderai bien. Ce que vous avez donné suffit pour nous deux. Alors une petite pension. Pas du tout, rien de fixe. Ces gens-là vous soutiront assez pour eux-mêmes. Ils sont de la famille des rongeurs. Quand j'aurai envie de donner, eh bien, je donnerai une somme sans précédent, sans obligation pour l'avenir. En un mot, je donnerai quand j'aurai trop d'argent. Cette petite Valois. Mais en vérité, je ne puis que vous compter tout ce que je sais sur elle. Votre bon cœur est pris au piège, ma chère Antoinette. J'en demande pardon à votre bon cœur. Et en disant ces mots, Louis tendit la main à la reine, qui, cédant un premier mouvement, l'approcha de ses lèvres. Puis tout à coup, la repoussant. Vous, dit-elle, vous n'êtes pas bon pour moi. Je vous en veux. Vous m'en voulez, dit le roi. Vous. Eh bien, moi. Oh oui, dites que vous ne m'en voulez pas, vous qui me faites fermer les portes de Versailles, vous qui arrivez à 6h30 du matin dans mes antichambres, qui ouvrez ma porte de force et qui entrez chez moi en roulant des yeux furibonds. Le roi se mit à rire. Non, dit-il, non, je ne vous en veux pas. Vous ne m'en voulez plus, à la bonne heure. Que me donnerez-vous si je vous prouve que je ne vous en voulais pas, même en venant ici ? Voyons d'abord la preuve de ce que vous dites. Oh, c'est bien aisé, répliqua le roi, je l'ai dans ma poche, la preuve. Bah, s'écria la reine avec curiosité en se soulevant sur son séant. Vous avez quelque chose à me donner ? J'ai à vous donner vos œufs de Pâques. Oh, réellement ? Alors vous êtes bien aimable. Mais je ne vous croirai, comprenez-vous bien, que si vous étalez la preuve tout de suite. Oh, pas de subterfuge. Je parie que vous m'allez encore promettre. Alors, avec un sourire plein de bonté, le roi fouilla dans sa poche, en y mettant cette lenteur qui double la convoitise, cette lenteur qui fait trépigner d'impatience l'enfant pour son jouet, l'animal pour sa friandise, la femme pour son cadeau. Enfin, il finit par tirer de cette poche une boîte de maroquin rouge artistement gaufrée et rehaussée de dorures. « Un écrin, dit la reine. Ah, voyons. Le roi déposa l'écrin sur le lit. La reine le saisit vivement et l'attira à elle. À peine eut-elle ouvert la boîte, qu'enivrée, éblouie, elle s'écria « Oh, que c'est beau ! Mon Dieu, que c'est beau !» Le roi sentit comme un frisson de joie qui lui chatouillait le cœur. « Vous trouvez ?» dit-il. La reine ne pouvait répondre, elle était haletante. Alors elle tira de l'écrin un collier de diamants si gros, si pur, si lumineux et si habilement assorti qu'il lui sembla voir courir sur ses belles mains un fleuve de phosphore et de flammes. Le collier ondulait comme les anneaux d'un serpent dont chaque écaille aurait été un éclair. « Oh, c'est magnifique !» dit enfin la reine, retrouvant la parole. « Magnifique !» répéta-t-elle, avec des yeux qui s'animaient, soit au contact de ces diamants splendides, soit parce qu'elle songeait que nulle femme au monde ne pouvait avoir un collier pareil. Alors, vous êtes contente ? Dit le roi. « Enthousiasmée, sire. Vous me rendez trop heureuse. Vraiment ? Voyez donc ce premier rang, les diamants sont gros comme des noisettes. En effet. Et assortis, on ne les distinguerait pas les uns des autres. Comme la gradation des grosseurs est habilement ménagée. Quelle savante proportion entre les différences du premier et du second rang, et du second au troisième. Le joaillier qui a réuni ces diamants et fait ce collier est un artiste. Ils sont deux. Je parie alors que c'est Bemer et Bossange. Vous avez deviné. En vérité, il n'y a que pour oser faire des entreprises pareilles. Que c'est beau, sire, que c'est beau. Madame, madame, dit le roi. Vous payez ce collier beaucoup trop cher, prenez-y garde. Oh, s'écria la reine, sire. Et tout à coup, son front radieux s'assombrit, se pencha. Ce changement dans sa physionomie s'opéra si rapide, et s'effaça si rapidement encore, que le roi n'eut pas même le temps de le remarquer. Voyons, dit-il, laissez-moi un plaisir. Lequel ? Celui de mettre ce collier à votre cou. La reine l'arrêta. C'est bien cher, n'est-ce pas ? Dit-elle tristement. Ma foi, oui, répliqua le roi en riant. Mais je vous l'ai dit, vous venez de le payer plus qu'il ne vaut. Et ce n'est qu'à sa place, c'est-à-dire à votre col, qu'il prendra son véritable prix. Et en disant ces mots, Louis s'approchait de la reine, tenant de ses deux mains les deux extrémités du magnifique collier, pour le fixer par l'agrafe faite elle-même d'un gros diamant. « Non, non, dit la reine, pas d'enfantillage. Remettez ce collier dans votre écrin, sire. » Il secoua la tête. « Vous me refusez de ne voir le premier sur vous ? À Dieu ne plaise que je vous refuse à cette joie, sire, si je prenais le collier, mais... »« Mais ? » Fit le roi surpris. « Mais ni vous ni personne, sire, ne verra un collier de ce prix à mon cou. »« Vous ne le porterez pas, madame, jamais. » « Vous me refusez, je refuse de prendre un million, et peut-être un million et demi au coup, car j'estime ce colis 1500 000 livres, n'est-ce pas ?»« Et je ne dis pas non, » répliqua le roi. « Et je refuse de prendre à mon col 1,5 million quand les coffres du roi sont vides. Quand le roi est forcé de mesurer ses secours et de dire aux pauvres, je n'ai plus d'argent, Dieu vous assiste. »« Comment ? C'est sérieux ce que vous me dites là ?»« Tenez, sire. Monsieur de Sartines me disait un jour... » qu'avec 1500 000 livres, on pouvait avoir un vaisseau de ligne. Et en vérité, sire, le roi de France a plus besoin d'un vaisseau de ligne que la reine de France n'a besoin d'un collier. Oh ! S'écria le roi, au comble de la joie et les yeux mouillés de larmes. Oh, ce que vous venez de faire là est sublime. Merci, merci. Antoinette, vous êtes une bonne femme. Et pour couronner dignement sa démonstration cordiale et bourgeoise, le bon roi jeta ses deux bras au cou de Marie-Antoinette et l'embrassa. « Oh, comment vous bénira en France, madame » s'écria-t-il, « quand on saura le mot que vous venez de dire. » La reine soupira. « Il est encore temps, » dit le roi avec vivacité, « un soupir de regret. » « Non, sire, un soupir de soulagement. Fermez cet écrin et rendez-le au joaillier. » « J'avais déjà disposé mes termes de paiement. L'argent est prêt. Voyons, qu'en ferai-je ? Ne soyez pas si désintéressée, madame. Non, j'ai bien réfléchi, non. Bien décidément, sire, je ne veux pas de ce colis, mais je veux autre chose. Diable ! Voilà mes 1500 000 livres écornés. 1500 000 livres, voyez-vous ? Et quoi, c'était si cher ? Ma foi, madame, j'ai lâché le mot, je ne m'en dédie pas. Rassurez-vous, ce que je vous demande coûtera moins cher. Que me demandez-vous ? C'est de me laisser aller à Paris encore une fois. « Oh, mais c'est facile et pas cher, surtout. »« Attendez, attendez. »« Diable. »« À Paris, place Vendôme. »« Diable. »« Chez Monsieur Mesmer. » Le roi se gratta l'oreille. « Enfin, dit-il, vous avez refusé une fantaisie de 1600 000 livres. »« Je puis bien vous passer celle-là. »« Allez donc chez Monsieur Mesmer. »« Mais à mon tour à une condition. »« Laquelle ?»« Vous ferez accompagner d'une princesse du sang. » La reine réfléchit. « Voulez-vous, Madame de Lamballe ?» dit-elle. Madame de Lamballe, soit. C'est dit, je signe. Merci. Et de ce pas, ajouta le roi, je vais commander mon vaisseau de ligne et le baptiser le collier de la reine. Vous en serez la marraine, madame. Puis je l'enverrai à la Pérouse. Le roi baisa la main de sa femme et sortit de l'appartement tout joyeux.